je parle de la descente aux enfers dans les PMC 5, 6. On me demande souvent pourquoi, par mes paroles, j'essaie de créer un contexte de peur ou un contexte à créer des concepts avant même d'avoir vécu un événement particulier. Alors, je ne crée pas de peur et je ne crée pas non plus de concepts. Les oreilles de l'ego qui écoute se créent des concepts, s'engendre la peur et me demande pourquoi moi je le fais. Alors je précise que je ne le fais pas. Créer l'ambiance veut dire opérer une faible manipulation chez les égos manipulables seulement. Si l'ego n'est pas manipulable, je ne peux pas créer de manipulation. La descente aux enfers, ce n'est pas la montée au ciel, même si c'est similaire. J'ai pris beaucoup de temps pour préparer le terrain avant de parler de la descente aux enfers. Lorsque l'homme se conscientise, il oublie souvent, il oublie toujours, qu'une partie de lui ne peut pas connaître la conscientisation. Et cette partie ignorée de l'homme qui se conscientise, nuira aussi longtemps qu'elle sera chez l'homme à l'évolution de l'homme. Lorsque l'homme croit en Dieu, il se crée chez lui une phase d'énergisation particulière à l'astral spirituel, ce qui permet à l'ego de connaître le mental, qu'il appelle Dieu, qu'il appelle son Père, ce n'est pas grave. C'est utile, réel et fonctionnel. Mais ce n'est pas la phase finale. Lorsque l'ego, lorsque l'homme découvre autre chose que ce Dieu, il a une tendance à renier Dieu, à renier ce concept de Dieu, créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Parce que l'ego est instruit par le mental conscientisant des mécanismes de la manipulation, il découvre dans l'Église, dans le cheminement de l'Église, de l'ignorance, alors qu'en fait, l'ego qui découvre ignore encore plus que l'ignorance de l'Église. Le discernement entre deux personnes, l'une qui enseigne faussement parce qu'elle ignore et l'autre qui enseigne faussement parce qu'elle est ajustée, permet à l'homme qui se conscientise de comprendre les mécanismes intelligents de l'Église, les mécanismes intelligents de la morale, des lois sociétaires, des écoles traditionnelles. Reniant Dieu, parce que découvrant que cette énergie n'est pas nécessairement la puissance totale, universelle, que l'ego avait voulu entrevoir, il s'imagine automatiquement que tout ce qui est caché sous le nom de Dieu est faux. Ce qui est faux. La compréhension telle que l'homme ancien a de Dieu est fausse. Mais tous les mécanismes qu'il essaie de comprendre ne sont pas tous faux. Ainsi, l'homme découvre un peu plus loin, après avoir renié complètement, l'ajustement envers les forces spirituelles de la planète qui ont dirigé ses pas jusqu'à la lumière, au-delà de ce Dieu. Alors, comprenant, il préserve ce Dieu. Entre-temps, avant la compréhension des mécanismes intelligents de l'astral spirituel, reniant Dieu et tous les mécanismes qui y sont reliés, il se dit « Je n'y crois plus ». Parce qu'il n'y croit plus, l'ego, frustré de cette longue assimilation par le spirituel, déclare « Ce que je ne crois pas n'existe pas. » Ce que l'homme ne croit pas peut exister. Et ce n'est pas sine qua non à l'existence d'une chose que l'homme y croit. Lorsque l'homme dit « Je ne crois plus en Dieu », il n'y a aucun danger. Même si ces mécanismes existent. Mais automatiquement, en même temps, tout ce qui a été amené à l'homme dans son éducation religieuse tend à devenir quelque chose auquel il ne croira plus, donc à quelque chose qui, selon lui, n'existe pas. Avec Dieu viennent les forces infernales. Avec Dieu viennent les forces démoniaques. Avec Dieu viennent les forces sataniques. Et lorsque l'homme cesse de croire en un Dieu tel qu'il l'a conçu ou tel que la collectivité le conçoit, il cesse en même temps de croire dans toutes les forces obscures que son éducation lui a amené. Et ses forces existent quand même. Ce qu'il faut comprendre dans l'initiation par le feu, dans la descente aux enfers, conscient, l'homme descend régulièrement aux enfers, inconsciemment. Ce n'est pas parce que l'homme est conscient que cela devient plus dangereux. Bien au contraire. Mais étant conscient, l'homme veut poursuivre plus longtemps, planétairement, plus rapidement, planétairement, sa présence aux enfers, de façon à en finir une fois pour toutes. Ce que l'homme inconscient refuse obstinément, étirant ici sa marge de souffrance tout au long de ses vies. L'énergie spirituelle est une énergie qui, lorsqu'elle est bien canalisée, permet à l'homme de guérir l'homme. Elle permet surtout à l'homme d'être libéré de toutes les parties de lui-même qui manquent et qui ont manqué d'énergie. Lorsque l'ego s'accapare de l'énergie qu'il appelait divine, que nous appelons supramentale ou intelligente, il en prive d'autres parties, et ces autres parties vibrent à leur niveau. Elles n'ont pas le choix, mais à un niveau inférieur, ça va de soi. Lorsque l'homme détruit la phase spirituelle chez lui, c'est qu'il ne comprend pas les mécanismes écologiques de l'astral spirituel. Alors, il détruit le gardien des forces noires chez lui. Ce gardien mort, l'homme commence à souffrir l'évolution. L'homme entre dans une phase de souffrance physique, vitale, psychologique, parce que le physique et le vital souffrent, et l'homme découvre pour la première fois de son existence la souffrance mentale. La souffrance mentale qui va lui dire « Je vois clair, je comprends tout, et ça ne marche pas. » Pourquoi? Je suis tanné sans être tanné. Je suis patient, j'attends. Qu'on vienne me dire ce qu'il faut faire, j'attends. Je n'ai pas de désir. Je me fous de réussir ou non. Mais dites-moi ce que je dois faire. Cessez de me niaiser. Mais le mental parle pour rien. Parce que personne ne l'empêche d'avancer. Personne ne refuse de l'instruire. Il est limité par l'enfer chez lui qui a totalement été oublié lors de la conscientisation des énergies spirituelles chez l'homme. Dans l'ego, il y a de l'ego frustré, il y a de l'ego spirituel. Le fait de supramentaliser l'ego spirituel ou de mentaliser l'ego spirituel n'entraîne pas la mentalisation de l'ego plus bas. Lorsque l'ego, lorsque l'orgueil et toutes les formes d'énergie qui se rattachent à ce mot est laissé à lui-même, il va être étouffé pendant un laps de temps plus ou moins long par la descente d'énergie mentale réglée par l'intellect, l'ajusteur psychologique. Mais l'orgueil, mais les forces infernales chez l'homme veulent vivre. Comme les forces divines chez l'homme ont voulu vivre. Voulant vivre, ils vont tenter de créer la forme, c'est-à-dire d'agir dans la forme, de créer des événements qui pourront suffisamment créer d'énergie de façon à densifier l'ego noir, les forces infernales chez l'homme, l'orgueil. Lorsque j'emploie le mot orgueil, je définis par là même tous les mécanismes noirs chez l'homme. L'homme entre en colère parce qu'il se croit suffisamment important pour juger qu'il a été bafoué. C'est l'orgueil, la colère. Lorsque l'homme a peur, c'est qu'il se croit suffisamment important pour penser qu'on ne devrait jamais atteindre son intégrité physique ou psychologique. Il a peur. C'est l'orgueil. La peur. Et quels que soient les mécanismes d'énergie bassement exprimés, c'est l'orgueil qui les sous-tend. Lorsque l'évolution de la partie spirituelle chez l'homme arrive à une phase telle qu'elle est presque totalement mentalisée par l'homme, alors se trouve libéré l'orgueil chez l'homme qu'ici elle ne peut pas s'exprimer par le biais de la parole, qui va être régie par le contexte mental, s'exprimera par le contexte du plan physique. Par le plan physique, les forces infernales chez l'homme vont pouvoir rendre celui-ci malade, incapable de fonctionner, incapable de s'alimenter, incapable de se reposer, incapable de s'entretenir. Ce qui, évidemment, va nuire au système neurologique du corps, brisant ainsi la possibilité d'augmenter le contact avec l'énergie supramentale ou rendant l'attente extrêmement souffrante, parce qu'au fur et à mesure que l'orgueil, donc l'ego noir, va vouloir s'exprimer chez l'homme, une lutte devra s'opérer entre les énergies intelligentes qui devront essayer d'ajuster l'ego bas. Et tout au long de la souffrance, l'ego sera désintégré en énergie supramentale. Il y a des moyens de ne pas souffrir ces événements. Et ces moyens sont donnés à quelques individus sur la planète, non pas aux élus, à quelques individus. Ces moyens ne sont pas donnés aux privilégiés. Ces moyens sont donnés à ceux qui n'ont pas le choix. Dans le contexte psychologique planétaire, l'homme qui voit un être terminer l'initiation solaire par la descente aux enfers le croit privilégié. Tandis que l'être qui termine sa descente aux enfers sait que l'autre est privilégié. L'homme voit toujours tout à l'envers parce que l'orgueil crée la jalousie. Lorsque quelqu'un fait ce que lui ne peut pas faire, il le croit privilégié. Celui qui n'a pas la possibilité de vivre cette initiation solaire par la descente aux enfers, non seulement n'en a pas besoin, parce que d'autres la vivent pour lui. Mais lorsqu'il renaîtra, tout sera accompli. Le privilégié, c'est lui. Celui qui vit la descente aux enfers est dans le temps planétaire, parmi les premiers. Lui aura à travailler. Il sera parmi les premiers à avoir accompli cette phase terminante. Mais cosmiquement, il n'est pas le privilégié. Je dis ceci pour bien placer l'ego à sa place. Et ceci n'est pas une illusion, c'est un fait. Lorsque nous parlons d'élus dans l'antique religion, nous ne parlons pas des privilégiés. Nous parlons de ceux qui auront à faire, et de ceux qui auront à travailler, et de ceux qui auront à traverser. Tandis que les autres, on les fera traverser. Les privilégiés ne sont pas les élus. Ils ne sont pas les perdants. Ce qui doit être fait va être fait. Lorsque l'homme décide, si l'on peut dire, lorsque l'homme perçoit que sa vibration est suffisamment puissante pour régler une fois pour toutes les mécanismes infernaux chez lui qui le connectent à l'infernalité planétaire. Il peut tenter et réussir la descente aux enfers. Dans l'Antiquité, le Nazaréen a été le premier à faire une descente aux enfers en bonne et due forme et à renaître avec un corps de lumière. Lorsque l'homme a un corps de lumière, il quitte son enveloppe charnelle. Celle-ci se dématérialise en quelques heures parce qu'elle sera subatomisée et viendra rejoindre le corps de lumière. Et c'est pourquoi aussi on n'a pas retrouvé le cadavre du Nazaréen dans la tombe où on l'avait mis, non parce qu'il était sorti, parce que le corps était disparu. Le deuxième à l'avoir fait, non complètement et pas aussi bien que le Nazaréen, a été fait sous la tutelle du Nazaréen. Cela a été Lazare, le comte de Saint-Germain. Présentement au Québec, d'autres personnes, pas nombreuses, sont en train de vivre cette phase d'initiation par la descente aux enfers. Il y en a au moins une bonne dizaine, dont quelques-uns sont ici. Deux. Cherchez les égaux. C'est pas vous. Lorsque l'homme laisse aller ses mécanismes infernaux chez lui, il se crée une scission entre son énergie mentale et son énergie du bas astral. Alors, de plus en plus, l'homme ne comprend pas ce qu'il fait et ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que comprenant les mécanismes des hautes sphères d'évolution et n'ayant plus aucun lien avec les basses sphères de l'évolution, par la destruction du ciel chez lui, il ne peut plus contrôler l'enfer. La descente aux enfers implique donc la connaissance approfondie par la pratique de la parole, de la voix et du verbe. Cela implique l'évolution d'une autorité mentale. Cela implique aussi l'acceptation inconditionnelle comme pouvant être réalité tout ce que les sens vont percevoir. Les sens physiques, vitaux, psychologiques et mentaux. Lorsqu'une personne veut vivre une descente aux enfers et qu'elle dit en partant « Ah oui, mais ça, je crois pas à ça, t'as l'affaire, ça n'arrivera pas, ça. » Elle doit accepter comme pouvant être réel tout. De cette façon, on ne peut plus la surprendre. Ne pouvant plus la surprendre, on ne peut plus la manipuler. Et lorsque l'homme est prêt à tout, plus rien ne se passe. C'est toujours comme l'homme ne s'y attend pas que ça vienne. Lorsque l'homme sait que tout est réel dans la forme, lorsque l'orgueil est capable de venir prouver. Lorsque l'orgueil est capable de se prouver, qu'il est capable de reprendre le contrôle total du corps évoluant, c'est le temps. Lorsque vous savez que l'orgueil ne vaut rien, et lorsque l'orgueil sait qu'il vaut tout, quand allez-vous savoir? Ça va venir dans le temps comme dans le temps. L'initiation par la descente aux enfers nécessite donc un endroit particulier où les énergies sont soit naturelles, donc une forêt, un désert, une montagne, un océan, soit maléfiques, soit naturelles, soit maléfiques. Vous n'allez pas lutter contre Dieu. Vous allez lutter contre les parties les plus infernales de votre propre personnalité égoïque. C'est donc sur son terrain que vous devrez l'affronter. Parmi les énergies orgueilleusement astrales, il y a les énergies telluriques. Yin. La nature se prête donc très bien à une descente aux enfers. L'homme arrive dans cette phase à expulser de lui un double similaire en apparence, mais non pas en couleur, donc non pas en vibration, aurique, à sa propre corporalité physique. L'homme rencontre donc un double qui est lui-même. Mais il faut aussi comprendre que ce mécanisme, même s'il peut être que difficilement perçu par certains d'entre vous, est une potentialité de réalité. Lorsque l'homme rencontre un double en avant, il est le reflet exact de ce qu'il a chez lui qui ne va pas. Alors l'homme doit devenir le maître suprême de ce double et doit rester éveillé suffisamment longtemps après l'expulsion du double pour laisser le temps à l'énergie extérieure d'absorber le double. À un moment donné, dans la province de Québec, certaines personnes étaient assises sur le bord d'un lac semi-glacé au printemps. Certaines personnes étaient accroupies sur eux-mêmes devant un gigantesque feu. Physiquement, la façon dont ils étaient appuyés ne permettait pas le sommeil. Parce que s'il dormait, il pouvait s'écrouler direct dans le feu. Ils ont dormi. Et ils ne sont pas tombés dans le feu. Lorsque l'un d'eux s'est éveillé, sur le lac devant lui marchait un personnage qui était son compagnon assis à côté de lui. Et plusieurs des personnages qui ont fait cette expérience ont vu des doubles se promener. La psychologie de ces personnes non adaptées a créé une explication acceptée par l'ego, mais non logique. Les égos ont été pas prêts. Au cours de cette nuit, ils se sont endormis. S'étant endormis, les doubles ont récupéré les corps pendant le sommeil et tout était à recommencer. Faire quelque chose lorsque l'on n'est pas prêt, c'est perdre beaucoup d'énergie. Quelques années après, on peut recommencer. Les mécanismes même de la descente aux enfers sont des mécanismes que je dois taire pour éviter que ceux qui ne sont pas prêts jouent le jeu de leur propre ego et à s'essayer quelque part et ayant une parole totalement émotive. Instruit simplement l'astral des chemins possibles pour qu'un homme arrive à se libérer. Lorsque la personne a une parole, une voix et un verbe ajustés, lorsque la personne a une autorité mentale, c'est-à-dire lorsque la personne n'est plus impressionnable par les mécanismes infernaux, elle peut envisager mentalement, la possibilité de devenir le maître de l'enfer. Le maître de l'enfer, ce n'est pas ni Lucifer ni Satan. Ce sont les esclaves les plus avancés. Ce ne sont pas les maîtres de l'enfer. Celui qui maîtrise l'enfer maîtrise le ciel. Celui qui maîtrise le ciel ne maîtrise pas nécessairement l'enfer. Lorsque l'homme veut vérifier sa capacité de pénétrer aux enfers, donc de pénétrer chez lui, dans ce qu'il y a de plus laid chez lui, parce qu'un jour, ce qui est laid, c'est-à-dire énergétiquement bas, doit être augmenté en énergie pour que seul un homme énergétiquement haut puisse rayonner. Et ce n'est pas dans l'oubli de nos mécanismes bas que l'on règle le problème. Apparemment, temporairement, on règle. Jusqu'au jour où tout remonte à la surface. Que ce soit le positivisme, que ce soit n'importe quelle thérapie, que ce soit une religion, que ce soit une secte, que ce soit un lavage de cerveau, que ce soit une médecine traditionnelle, une école, quel que soit le chemin que l'homme prend, si celui-ci oublie de travailler avec ce qu'il y a de bas chez lui, un jour, il devra descendre aux enfers, et plus l'attente est longue, plus profondément il devra descendre. Certains vont consumer cet ego infernal par la maladie physique, par la souffrance, par la perte d'emploi, par le fait que tout ce qu'ils vont entreprendre ne marchera pas, par le fait qu'ils vont se ramasser seuls, par le fait qu'ils seront manipulés comme jamais ils n'ont été manipulés. C'est long, fastidieux et inutile. Lorsque l'être est prêt, il tourne un virage dans sa vie et il commence à parler. Il commence donc à instruire. Il instruit son propre ego. Instruisant par la parole, il instruit l'astral extérieur. Et lorsque celui-ci s'adresse aux entités infernales, il les instruit. Les instruisant, il les aide. C'est un résultat mineur. Il s'aide. C'est un résultat majeur. C'est-à-dire qu'il démolit ce qui un jour pourrait l'empêcher de poursuivre son chemin en entraînant avec lui ces choses. Lorsqu'une entité infernale chez vous est désintégrée lorsque la haine meurt chez l'homme, il y a beaucoup plus d'amour. Lorsque l'amour grandit pour étouffer la haine, vibratoirement, l'amour ne porte pas. Alors on a affaire à des personnes qui nous attendent sur le bord des bouches de métro, à des personnes qui essaient d'enguirlander, qui disent « j'aime, j'aime, je vous aime, Dieu t'aime ». Une personne qui ne parle que d'amour est une personne qui ne connaît rien à l'amour et qui manque d'amour. Lorsque la haine meurt, l'amour psychologique meurt, tandis que l'amour intelligent naît, le rayonnement naît. Vouloir se conscientiser sans passer par la compréhension et la connaissance des parties infernales chez l'homme, c'est une attrape nigo créée par ces parties mêmes chez l'homme et par la correspondance infernale au niveau des plans planétaires. Belzébuth est la personnification la plus grandiose des énergies infernales telluriques. Satan est la personnification la plus grandiose de l'orgueil de l'homme. Et Lucifer est la personnification la plus grandiose du désir d'évoluer de l'homme. Il n'y a rien de dangereux ni chez Belzébuth, ni chez Satan, ni chez Lucifer, malgré qu'ils soient tous de type infernal. L'homme doit être capable de parler. De parler à ces choses avec de l'autorité. Si je prends l'exemple du Nazaréen, pour m'ajuster à certains d'entre vous, il n'a jamais dit à Satan, « S'il vous plaît, va-t'en. » Il n'a jamais dit, « Je t'en prie, laisse-moi. » Et lorsque le Nazaréen, de par les écrits que nous avons, chassait les démons, il ne demandait pas, il ordonnait. L'homme n'a pas le pouvoir d'ordonner, créer l'ordre. Mais ce manque de pouvoir est temporaire. Et lorsque l'homme veut descendre aux enfers, il doit être premièrement capable de créer l'ordre, d'ordonner. On ne dit pas à un démon « va-t'en ». On doit créer l'ordre dans le corps qui est possédé de ce démon. Créant l'ordre, on peut ordonner par la voix au démon de s'en aller. Parce que déjà, il est parti. Lorsque l'ego essaie de donner des ordres, il imite celui qui ordonne. Celui qui ordonne ne donne pas d'ordre. Celui qui donne des ordres n'ordonne pas. Lorsque le patron ordonne, le gérant transmet les ordres et donne des ordres de façon à ce que l'ordre instauré par le patron soit respecté. Il donne des ordres, mais il n'ordonne pas, il ne crée pas l'ordre. Il entretient l'ordre établi. L'homme est un donneur d'ordre, l'homme ancien. Lorsque l'homme fait sa descente aux enfers, il doit être capable de créer l'ordre. Créant l'ordre autour de lui, dans les pires conditions matérielles. Je ne parle pas de la matière. Je parle de l'expression atomique de l'énergie intelligente. Créant l'ordre, là où l'esprit n'est pas capable de le créer, ayant fait ce qu'il y a de plus dur dans le contexte subuniversel, il se libère totalement des mécanismes matériels parce qu'il en est le souverain, l'ordonnateur. La descente aux enfers est un mécanisme que nous appliquons au niveau PMC. Lorsque la personne est prête, elle le fait. Lorsque la personne n'est pas prête, elle ne le fait pas. Et l'ego chez vous doit s'asseoir confortablement sous votre chaise parce que ce n'est pas lui qui va déterminer si l'autre, si vous êtes prêt ou non. Vous avez peur? Vous n'êtes pas prêt. N'ayez pas peur, vous ne le ferez pas. Vous voulez suite? Vous n'êtes pas prêt. Patience, c'est pas le temps. Sachez que si, dans l'apparence, vous étirez votre fusion de 2 ans. Ce n'est pas grave. Mais si vous tentez quelque chose 2 heures avant le temps, vous allez voir beaucoup d'années s'écouler après, avant que vous ayez la possibilité de recommencer. Mieux vaut être patient que d'être trop rapide. L'instruction du PMC4 permet l'apprentissage des mécanismes de la descente aux enfers sans pour cela être totalement appliqué à la descente. Ceux qui termineront leur PMC6 auront la possibilité de faire cette initiation. Si on demande si dans le monde il y a déjà eu, parce que l'ego, pour se rassurer, fait référence au passé, d'autres endroits où des hommes ont eu cette initiation solaire, comme par exemple dans une école traditionnelle, dans un temple égyptien, dans un contexte essénien, etc. L'ego peut poser cette question pour se rassurer. Si ça l'a déjà été fait, c'est moins pire. Ça n'a jamais été fait. On ne peut pas passer la vie de la planète à répéter la vie de l'homme. Certains individus ont fait cette initiation solaire. Certains sont présentement en train de la vivre. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui l'auront vécu, plus ce sera facile pour les autres. La descente aux enfers veut dire être capable d'ordonner aux forces infernales, quel que soit le nom qu'on leur donne et quelle que soit la puissance qu'elles se donnent. Cela veut dire être totalement maître, non pas seulement dans notre corps, mais aussi sur la planète. Cela veut dire être capable de rencontrer n'importe quelle forme d'expression d'énergie infernale et de les mettre à genoux. Cela veut dire que la peur chez l'homme n'existe plus. De quelle façon y parvenons-nous? Je n'en parle pas. Par l'intermédiaire du PMC, les personnes apprennent lorsque leur préparation est suffisante et lorsque le temps est venu. Ce n'est pas un discours que l'on peut tenir en conférence. Je tenais à parler de cette descente aux enfers à tous les PMC. Pour la simple raison que maintenant, le cheminement PMC terminal passe par là, pour ceux qui seront prêts. Observant les élèves qui commencent le cours, le programme, et observant ces mêmes élèves, quelques mois plus tard, ce sont des êtres différents, suffisamment puissants. Et un jour, je vous parlerai de ce qu'est la puissance. Suffisamment puissants pour savoir que si le PMC n'y va pas, eux autres y iront. Ils réussiront. Si vous avez des questions concernant cette troisième partie, je vous demanderai de les écrire, de mettre sur la question, non pas votre nom, si vous ne voulez pas, le numéro du PMC et le jour où vous suivez votre cours, de façon à ce que, à un moment donné, je puisse, par l'intermédiaire de votre cours, répondre à vos questions. Avant de poser les questions, je vous suggère de réécouter la conférence. Beaucoup de questions vont être répondues. Il y a le mécanisme de l'énergie qui est extrêmement dense présentement. Il y a beaucoup d'intégration qui se fait. Est-ce que cette intégration énergétique peut être réfléchie par la conscience de l'ego? Pas nécessairement. Et l'ego pose des questions. Vous prenez le temps d'assimiler? Vous prenez le temps de réécouter? Si vous avez des questions, vous les donnez à vos professeurs ou à Mario. Le numéro du PMC, la journée de votre cours. Je répète que tel que le programme Maître Contrôleur a été conçu, avant la fin du cours PMC6, le cours ne prépare pas à l'initiation par le feu. C'est-à-dire que le cours, le programme le prépare en 6 PMC. On ne veut pas faire quelque chose et recommencer. On veut faire quelque chose et réussir. Ce n'est pas long. La conférence est terminée. Et vous pouvez discuter, jaser, vider la table. Prenez le temps de redevenir normal.